Au sport. Le 11 février, dans la Ligue de basketball Benjamin Masculin Division 3, Louis-Saint-Laurent reçoit La Ruche à 18 h.